Avant de juger définitivement l'affaire de Marceline, le comte, pour savoir si Suzanne l'a trahi, veut sonder Figaro et l'attend dans la salle du trône du château.